Extrait des commentaires sur la guerre des Gaules par Jules César. Quand on commence ce récit, Rome a déjà établi une province romaine au sud de la Gaule. L'ambition de Jules César est de pacifier et de romaniser le reste de la Gaule en repoussant les Helvètes, les Germains et autres barbares au-delà de la Saône et du Rhin. Il vient justement de remporter une éclatante victoire sur les Helvètes et de se montrer très clément envers Dumnorix, le frère du druide Divitiaque, dont on va voir le rôle dans cet épisode. Chapitre 30e. Cette guerre étant terminée, les députés de presque toute la Gaule et les principaux citoyens de chaque cité vinrent féliciter César. Ils savaient bien, disaient-ils, que le peuple romain, en faisant la guerre à l'Helvétie, avait voulu venger d'anciennes injures. Mais la Gaule n'en profitait pas moins que Rome, car les Helvétiens n'avaient quitté leur pays dans l'état le plus florissant que pour porter les armes dans les Gaules, s'en rendre maître, choisir parmi tant de contrées les plus riches et les plus fertiles, et rendre tout le reste tributaire. Ils demandèrent en même temps à César la permission de convoquer l'assemblée générale de toute la Gaule pour y traiter de quelques affaires qu'ils voulaient lui soumettre en commun. César y consentit, ils fixèrent le jour de la réunion et s'engagèrent par serment à n'en rien révéler que du consentement de tous. Chapitre 31e. Après la clôture de cette assemblée, les mêmes citoyens qui avaient déjà paru devant César revinrent vers lui et demandèrent à l'entretenir en particulier de choses qui intéressaient leur sûreté et celle de la Gaule entière. Ayant obtenu audience, il se jette à ses pieds tout en larmes et implore instamment le secret tout en réclamant sa bienveillance pour objet de leur demande. Si leur démarche était connue, ils devaient s'attendre au plus cruel tourment. L'éduin Divitiaque prit pour eux la parole et dit que la Gaule se divisait en deux parties, dont l'un avait pour chef les éduins, l'autre les arvernes. Après une lutte prolongée pour la prééminence, les arvernes, de concert avec les Séganais, attirèrent les Germains par les avantages qu'ils leur offrirent. D'abord, 15 000 Germains passèrent le Rhin. La fertilité du sol de la Gaule, ses richesses, sa civilisation plurent bientôt à ces hommes grossiers et barbares et en attirèrent un plus grand nombre. Il s'en trouve maintenant 120 000 dans la Gaule. Les Éduins et leurs alliés en sont venus deux fois aux mains avec eux et ont été vaincus. Dans ces défaites, ils ont perdu toute leur noblesse, tous leurs sénateurs, tous leurs chevaliers. Épuisé par ces revers, ce peuple, que sa valeur et l'amitié des Romains avaient rendu si puissant dans la Gaule, s'est vu forcé de donner en otage aux Sécanais l'élite de ses citoyens et de s'engager par serment à ne redemander jamais ses otages, à n'implorer jamais le secours du peuple romain, à ne jamais essayer de se soustraire aux joues de ses vainqueurs. Il est le seul des Éduins qui n'ait pu se résoudre à prêter serment ni à donner ses enfants en otage. S'il a pu fuir de son pays et venir à Rome implorer le secours du Sénat, c'est qu'il était le seul qui ne fut retenu par aucun lien. Mais les Sécanais, vainqueurs, ont été encore plus malheureux que les Éduins vaincus. Arioviste, roi des Germains, s'est établi sur leurs frontières, a pris le tiers de leur territoire qui est le meilleur de toute la Gaule, et maintenant il leur ordonne de céder un autre tiers à 24 000 Arudes, qui depuis peu de mois sont venus le joindre et demandent à s'établir. Dans peu d'années, tous les Germains auront passé le Rhin et chassé les Gaulois, car le sol de la Germanie ne peut se comparer à celui de la Gaule, non plus que la manière de vivre des deux pays. Arioviste, depuis qu'il a vaincu les Gaulois à Magetobrie, commande en tyran superbe et cruel. Il prend en otage les enfants des plus nobles familles et déploie sur eux toute sa cruauté au moindre événement qui contrarie ses désirs ou ses ordres. C'est un homme féroce, emporté, furieux, dont on ne peut endurer plus longtemps le despotisme. Si César et le peuple romain refusent de les secourir, il ne reste plus aux Gaulois qu'à abandonner leur pays, à l'exemple des Helvétiens, à aller chercher loin des Germains d'autres terres et d'autres demeures, et à tenter la fortune, quel que soit le sort qu'elle leur réserve. Si Arioviste vient à connaître leur démarche, nul doute qu'il ne livre tous les otages au plus affreux supplice. César seul, par l'autorité de sa gloire et la force de son armée, par l'éclat de sa victoire récente, par le nom du peuple romain, peut arrêter les invasions des Germains et défendre la Gaule entière contre la tyrannie d'Arioviste. Chapitre 32e. Divitiaque cessa de parler, et tous les assistants fondant en larmes implore le secours de César. Les Sécanais seuls s'abstenaient de faire comme les autres. Tristes, abattus, ils attachaient leur regard sur la terre. César, étonné, leur en demande la cause. Ils ne répondent point et gardent obstinément un morne silence. Ils réitèrent ces instances sans pouvoir tirer un mot de leur bouche. Alors, l'édu Indivitiaque reprend la parole. « Tel est, dit-il, le triste sort des Sécanais, plus déplorable encore que celui des autres Gaulois. Ils n'osent se plaindre même en secret ni réclamer un appui, tremblant au seul nom d'Ariovist absent, comme s'il était lui-même devant leurs yeux. Au moins les autres ont la liberté de fuir. Mais les Sécanais qui ont reçu Ariovist sur leur terre, qui lui ont livré toute leur ville, sont réduits à endurer tous les tourments. » Chapitre 33. César, instruit de ces détails, relève par quelques mots le courage des Gaulois et leur promet de veiller sur leurs intérêts. Il espère qu'Ariovist, par égard pour son autorité et pour ses bienfaits, cessera de les opprimer. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Ses plaintes et plusieurs autres motifs engageaient César à prendre cette affaire en grande considération. Il voyait les Éduens, que le Sénat avait souvent honoré du titre de frère et d'allié, soumis au joug des Germains, livrant des otages entre les mains des Sécanais et d'Ariovist, ce qui était une honte pour lui-même et pour la toute-puissance de la République. Il voyait combien il était dangereux pour Rome d'habituer ainsi les Germains à passer le Rhin et à venir en grand nombre dans la Gaule. Sans doute, ces peuples grossiers et barbares, une fois maîtres de la Gaule, ne manqueraient pas, à l'exemple des Cimbres et des Teutons, de se jeter sur la province romaine et de là sur l'Italie, d'autant plus que le Rhône seul séparait les Sécanais de notre province. César pensa qu'il fallait se hâter de prévenir ces périls. De plus, l'orgueil et l'insolence d'Ariovist s'étaient exaltés à un point vraiment intolérable. Chapitre 34. Il résolut donc d'envoyer à Ariovist des députés pour l'inviter à choisir un lieu intermédiaire où ils puissent traiter des intérêts de la République et d'affaires importantes pour l'un et pour l'autre. Ariovist répondit que s'il avait besoin de César, il l'irait trouver, que si César avait une demande à lui faire, il vint lui-même, que d'ailleurs il n'osait se rendre sans armée dans la partie de la Gaule où César commandait, et qu'une armée ne pouvait être rassemblée sans embarras et sans beaucoup de frais. Du reste, il avait peine à comprendre quelle affaire il pouvait avoir à démêler avec César ou avec Rome dans cette Gaule conquise par ses armes. Cette réponse ayant été rapportée à César, il renvoya des députés vers Ariovist avec de nouvelles instructions. Puisque, pour toute reconnaissance des faveurs dont il a été comblé par le peuple romain et par César, qui, sous son consulat, lui avait fait accorder le titre de roi et d'ami, il refuse de se rendre à l'entrevue à laquelle il était invité, et de traiter avec les Romains de leurs intérêts communs, voici ce que César exige. Qu'il n'appelle plus des bords du Rhin dans la Gaule de nouvelles hordes de barbares. Qu'il rende aux Éduens leurs otages et permette aux Sécanais de rendre ceux qu'ils ont reçus. Qu'il cesse d'inquiéter les Éduens ou de leur faire la guerre, ainsi qu'à leurs alliés. S'il se soumet à ces demandes, il peut compter à jamais sur son amitié et sur la faveur du peuple romain. S'il s'y refuse, vu le décret du Sénat, rendu sous le consulat de M. Messala et de M. Pison, qui autorise le gouvernement de la Gaule à faire ce qu'il juge utile à la République, et lui enjoint de défendre les Éduens et les autres alliés du peuple romain, il ne manquera pas de venger leur injure. Ariovist répondit que le droit de la guerre permettait aux vainqueurs de disposer à son gré des vaincus, que le peuple romain n'a pas l'habitude de consulter autrui sur la manière de traiter les peuples conquis. S'il ne prescrit pas aux Romains comment ils doivent user de la victoire, pourquoi le gênerait-il dans l'exercice de ses droits? Les Éduens sont devenus ses tributaires parce qu'ils ont tenté le sort des armes et qu'ils ont succombé. Il a lui-même à se plaindre de César, dont l'arrivée diminue ses revenus. Il ne rendra point les otages. Il ne fera la guerre ni aux Éduens ni à leurs alliés s'ils exécutent le traité et paient chaque année le tribut. Autrement, le titre de frère et d'allié du peuple romain leur servira peu. Quant à la menace que faisait César de venger les injures des Éduens, on n'avait jamais combattu Ariovist impunément. Qu'il vint l'attaquer quand il voudrait, et il apprendrait à connaître la valeur d'une nation aguerrie, indomptée, qui depuis 14 ans vivait en plein air. Au moment où César recevait cette réponse, les Éduens et les Trévires lui envoyaient des députés. Les Éduins se plaignaient que les Harudes, récemment arrivés dans la Gaule, dévastaient leur pays. Ils n'avaient pu acheter la paix d'Arioviste, même en donnant des otages. Les Trévires annonçaient que 100 cantons des Suèves étaient campés sur les rives du Rhin, prêts à passer le fleuve sous la conduite des deux frères Nassua et Saint-Berius. Vivement ému de ces nouvelles, César résolut de se hâter. Il craignait qu'il ne devînt difficile de les réduire si de nouvelles bandes de Suèves se joignaient aux vieilles troupes d'Arioviste. Il s'empresse de rassembler des vivres et s'avance contre Arioviste à grande journée. Après 3 jours de marche, il apprit qu'Arioviste avait passé la frontière depuis 3 jours et se dirigeait avec toutes ses troupes contre Vésontio, la plus forte place des Sécanais. César crut devoir faire tous ses efforts pour l'empêcher de s'emparer de cette ville, qui était abondamment fournie de munitions de toute espèce et dont la position naturelle offrait de grands avantages pour soutenir la guerre. La rivière du Doubs l'environne presque tout entière et décrit un cercle alentour. L'intervalle qu'elle ne baigne point et qui n'a pas plus de 600 pieds est couvert par une haute montagne dont la base touche des deux côtés aux rives du Doubs. Une enceinte de murs fait de cette montagne une citadelle et la joint à la ville. César marche jour et nuit, s'en rend maître et y met une garnison. Pendant les jours qu'il passa à Vésontio, afin de pourvoir aux subsistances, les questions de nos soldats, les réponses des marchands et les propos des Gaulois répandirent tout à coup dans l'armée une vive terreur. Ils ne parlaient que de la haute stature des Germains, de leur incroyable valeur, de leur habileté à manier les armes, de cet aspect terrible et menaçant qui souvent avait frappé les nôtres d'épouvante. Le trouble s'empara de tous les cœurs. Cette frayeur gagna d'abord les tribuns militaires, les préfets et d'autres encore, qui, ayant suivi César par amitié, avaient peu d'expérience de la guerre. Les uns, sous divers prétextes, demandaient à se retirer. D'autres, retenus par la honte, ne restaient que pour n'être point soupçonnés de faiblesse. Mais ils ne pouvaient composer leur visage, ni même, par instant, retenir leurs larmes. Cachés dans leurs tentes, ils gémissaient sur leur destinée ou déploraient avec leurs amis le danger commun. Partout, on faisait son testament. Peu à peu, les plus aguerris eux-mêmes, soldats et centurions, les commandants de la cavalerie, se sentirent ébranlés par les plaintes et la peur générale. Ceux qui affectaient plus de fermeté disaient qu'ils ne craignaient point l'ennemi, mais la difficulté des chemins. L'immense profondeur des forêts placées entre eux et Arioviste et le manque de vivres si les transports devenaient impossibles. On alla jusqu'à dire à César qu'au moment où il ordonnerait de lever le camp et de porter les enseignes en avant, le soldat effrayé n'obéirait pas et refuserait de se mettre en marche. À la vue de cette consternation, César assemble un conseil où il appelle les centurions de tout grade. Il leur reproche fortement de vouloir pénétrer ses desseins et s'informer du pays où il les mène. Arioviste, sous son consulat, a recherché avec empressement l'amitié du peuple romain. Pourquoi supposer sans raison qu'il veuille s'écarter de son devoir? Quand il connaîtra ses demandes et leur équité, il se gardera sans doute de renoncer à son amitié et à celle des Romains. Si, par un esprit de vertige et de démence, il se décide à la guerre, pourquoi cette crainte? Pourquoi désespérer de leur valeur et de son activité? Nos pères ont éprouvé cet ennemi. Lorsque, sous Sémarius, nos soldats, chassant les Cimbres et les Teutons, s'acquirent autant de gloire que le général même. Ils l'ont éprouvé récemment, en Italie, dans la révolte des esclaves, bien qu'alors l'ennemi pût avoir le secours de l'expérience et de notre discipline. On peut juger par là des avantages d'une ferme résolution, puisque ces esclaves, que l'on avait craints, tout désarmés qu'ils étaient, on les a soumis déjà victorieux et armés. Ce peuple est celui que les Helvétiens ont souvent mis en fuite, non seulement dans leur pays, mais en Germanie, sur ses propres frontières, et les Helvétiens n'ont pu nous résister. Si quelques-uns d'entre eux sont effrayés de la défaite des Gaulois, qu'ils en cherchent les causes, ils verront que les Gaulois étaient fatigués des longueurs de la guerre, car Arioviste, après s'être renfermé plusieurs mois dans son camp et ses marais, sans s'exposer à une bataille, les avait attaqués tout à coup, déjà dispersés et désespérant de combattre, et les avait vaincus par adresse et par habileté plutôt que par le courage. De tels moyens pouvaient réussir avec des barbares sans expérience, mais ils n'espéraient sans doute pas les employer avec succès contre nos armées. Quant à ceux qui, pour déguiser leurs craintes, allèguent la difficulté des chemins et leurs inquiétudes sur les vivres, il les trouve bien insolents de supposer que le général manquera à son devoir ou de prétendre le lui prescrire. Ce soin le regarde. Les sécanets, les loques, les lingons fourniront le blé. Déjà même la moisson est mûre. Quant au chemin, ils en jugeront bientôt eux-mêmes. On prétend que les soldats n'obéiront point et ne lèveront pas les enseignes. Ces propos l'inquiètent peu. Il sait que le soldat ne se révolte que contre un général malheureux par sa faute ou convaincu de cupidité et de malversation. Pour lui, sa vie entière prouve son intégrité et la guerre d'Helvétie son heureuse fortune. C'est pourquoi il ordonnera sur le champ le départ qu'il voulait différer. Il lèvera le camp, la nuit suivante, à la quatrième veille, afin de connaître si la crainte prévaut chez eux sur l'honneur et le devoir. S'il refuse de le suivre, il partira avec la 10e légion, dont il est sûr. Elle sera sa cohorte prétorienne. César avait toujours favorisé cette légion et il comptait sur sa valeur. Ces paroles firent dans les esprits un changement merveilleux. Elles inspirèrent une vive ardeur et le désir du combat. La 10e légion envoya ses tribuns pour rendre grâce à César d'avoir compté sur son courage et déclara qu'elle était prête à le suivre. Bientôt après, les autres légions députèrent aussi leurs tribuns et les ceinturions des premiers rangs pour s'excuser auprès de lui, protestant qu'elle n'avait jamais eu ni hésitation ni crainte et que jamais elle n'avait prétendu s'arroger l'autorité qui appartient au général. César reçut leurs excuses et, après avoir questionné sur les chemins d'Ivitiac, celui des Gaulois qui avait le plus sa confiance, il résolut, pour mener l'armée par un pays ouvert, de faire un détour de 50 000. Il partit à la 4e veille, comme il l'avait annoncé, et après 7 jours d'une marche continue, il apprit par ses éclaireurs que les troupes d'Ariovist n'étaient qu'à 24 000 pas des nôtres. Ariovist, instruit de l'arrivée de César, lui envoya des députés. Il acceptait, disait-il, l'entrevue, maintenant que César était plus près et que lui-même pouvait s'y rendre sans danger. César ne rejeta point sa demande. Il crut qu'Ariovist revenait à des idées plus saines, puisqu'il offrait de son propre mouvement ce qu'il avait d'abord refusé. Il se flattait que le souvenir des bienfaits de César et du peuple romain, et en même temps l'équité de ses demandes, vaincrait son opiniâtreté. L'entrevue fut fixée au 5e jour. Dans cet intervalle, on s'envoya de fréquents messages de part et d'autre. Ariovist demanda que César n'amenât avec lui aucun homme de pied. Il craignait une surprise. Tous les deux se feraient escorter par la cavalerie. Ils ne viendraient qu'à cette condition. César, qui ne voulait ni rompre l'entrevue par un refus, ni commettre sa sûreté à la cavalerie des Gaulois, imagina de prendre tous leurs chevaux et de les faire monter par les soldats de la 10e légion qui avait toute sa confiance afin d'avoir au besoin une garde sûre et dévouée. Ce qui fit dire assez plaisamment à un soldat de cette légion que César allait au-delà de ses promesses, puisqu'ayant promis de les faire prétoriens, il les faisait chevaliers. Dans une plaine spacieuse, à une distance à peu près égale des deux camps, s'élevait un tertre assez étendu. Ce fut le lieu choisi pour l'entrevue. César plaça sa cavalerie à 200 pas du tertre. Les cavaliers d'Ariovist s'arrêtèrent à la même distance. Ariovist demanda que la conférence se tînt à cheval et que l'un et l'autre se fissent accompagner de 10 hommes. Lorsqu'on fut en présence, César commença par lui rappeler ses bienfaits et ceux du Sénat. Il avait été appelé roi par le Sénat. Il avait reçu le titre d'ami. Il avait été comblé des plus riches présents, privilèges rares et que les Romains n'accordaient qu'à de grands services. Ces honneurs, il les avait obtenus, sans titre, sans espoir, de la seule libéralité de César et du Sénat. César lui rappela aussi les anciennes liaisons et les justes motifs qui les unissaient aux Éduiens. Il cita les Sénatus consultes honorables tant de fois rendus en leur faveur. De tout temps, même avant de chercher notre amitié, les Éduiens avaient tenu le premier rang dans la Gaule. Et tel est l'usage du peuple romain, de vouloir que ses alliés et ses amis, loin de rien perdre de leur puissance, accroissent sans cesse leur crédit, leur dignité, leurs honneurs. Qui pourrait souffrir qu'on leur enlevât ce qu'ils possédaient avant leur alliance avec Rome? César renouvela ensuite les demandes qu'il avait déjà faites par ses députés. Qu'il ne fît la guerre ni aux Éduiens ni à leurs alliés, qu'il rendît les otages, et s'il ne pouvait renvoyer chez eux une partie des Germains, qu'au moins il ne permît plus à d'autres de passer le Rhin. Ariovist répondit peu aux demandes de César, mais s'étendit longuement sur ses propres louanges. Il n'avait point passé le Rhin de son propre mouvement, mais à la prière des Gaulois qui avaient imploré son secours. Il n'aurait point quitté son pays et ses proches sans l'espoir d'une riche récompense. Les terres qu'il occupait dans les Gaules lui avaient été cédées par les Gaulois. Ils avaient livré volontairement des otages. Il leur a imposé un tribut en vertu des droits que donne la victoire. Ce n'est point lui qui a commencé la guerre. Les Gaulois sont les agresseurs. Toutes les peuplades de la Gaule sont venues fondre sur lui. Il a, dans un seul combat, vaincu et dispersé toutes leurs forces. S'ils veulent encore tenter le sort des armes, ils le trouveront prêt à combattre. S'ils préfèrent la paix, il est injuste de lui refuser le tribut qu'ils ont volontairement payé jusqu'à ce jour. Il croyait trouver dans l'amitié du peuple romain honneur et appui, et non pas une occasion de dommage. Il l'a recherché dans cet espoir. Mais si cette amitié ne sert qu'à lui enlever ses subsides et ses tributaires, il renonce aussi volontiers qu'il l'a désiré. S'il fait passer tant de Germains dans la Gaule, c'est pour sa sûreté, et non pour attaquer les Gaulois. Ce qui le prouve, c'est qu'il n'est venu que sur leur prière, et qu'il n'a point déclaré la guerre le premier, mais qu'il l'a repoussée. Il est entré dans la Gaule avant les Romains. Jusqu'alors, aucune armée romaine n'était sortie de la province. Que veut-on de lui? Pourquoi venir sur ces terres? Cette partie de la Gaule est à lui, comme la nôtre est à nous. On ne lui permettrait point d'envahir nos frontières. Nous sommes donc injustes de venir le chercher sur ses domaines. Quant au titre de frère que le Sénat a donné aux Éduens, il n'est point assez barbare ni assez dénué d'expérience pour ignorer que dans la dernière guerre des Allobroges, les Éduens n'ont pas plus envoyé de secours aux Romains qu'ils n'en ont eux-mêmes reçu dans leur démêlée avec lui et les Sécanais. Il a lieu de soupçonner que César, tout en se disant son ami, n'a une armée dans les Gaules que pour le perdre. S'il ne s'éloigne et ne retire ses troupes, il le traitera en ennemi et non en allié. Il sait par des messages qu'en le faisant périr, il plairait à plusieurs des grands de Rome. Sa mort lui vaudrait leur faveur et leur amitié, mais qu'il se retire, qu'il lui laisse la libre possession de la Gaule, et pour lui témoigner sa reconnaissance, il épargnera à César tous les périls et toutes les fatigues en se chargeant des guerres qu'il voudrait entreprendre. César prouva par plusieurs raisons qu'il ne pouvait se désister de son entreprise. Il n'était ni dans ses principes, ni dans ceux du peuple romain d'abandonner des alliés qui avaient bien mérité de la République, et il ne pensait pas que la Gaule appartint à Ariovistes plutôt qu'aux Romains. Déjà, Fabius Maximus avait vaincu les Arvernes et les Ruténiens. Le peuple romain, leur faisant grâce, ne les a point réduits en province et ne leur a point imposé de tribut. Si l'on s'en rapporte au droit d'ancienneté, il donne au peuple romain de justes prétentions à la souveraineté de la Gaule. Si l'on se conforme au décret du Sénat, la Gaule doit être libre, puisqu'après la victoire, il a voulu qu'elle conservât ses lois. Pendant cet entretien, on vint annoncer à César que la cavalerie d'Ariovistes s'approchait du tertre, s'avançait vers les nôtres et lançait des pierres et des traits. César mit fin à la conférence, se retira vers les siens et leur défendit de lancer un seul trait contre l'ennemi. Non qu'il craignît avec sa légion d'élite d'engager le combat, mais il ne voulait pas donner lieu aux ennemis d'attribuer leur défaite à la perfidie et à une surprise. Lorsqu'on sut dans le camp la hauteur avec laquelle Ariovistes avait parlé, la défense faite aux Romains d'entrer dans la Gaule et comment l'attaque soudaine de ses cavaliers avait rompu l'entrevue, nos soldats sentirent redoubler leur ardeur et furent impatients de combattre. Deux jours après, Ariovistes envoya demander à César de reprendre la conférence qui avait été interrompue. Il le priait de fixer un jour pour un nouvel entretien ou au moins de lui envoyer un de ses lieutenants. César ne jugea pas à propos d'accorder cette entrevue, d'autant plus que la veille, on avait pu empêcher les Germains de lancer des traits sur nos troupes. Il sentait aussi le danger d'envoyer un de ses lieutenants et de l'exposer à leur cruauté. Il crut plus convenable de députer C. Valerius Procillus, jeune homme plein de courage et de sagesse, dont le père, C. Valerius Caberus, avait été fait citoyen romain par C. Valerius Flactus. On pouvait se fier à lui. Il connaissait la langue gauloise, qu'une longue habitude avait rendue familière à Ariovistes, et les Germains n'avaient aucune raison de le maltraiter. César lui adjoignit M. Metius, qui était lié avec Ariovistes par les droits de l'hospitalité. Il les chargea d'entreprendre les propositions et de lui en faire le rapport. Mais dès qu'Ariovistes les vit dans son camp, il s'écria en présence de ses soldats « Que venez-vous faire ici? Est-ce pour espionner ?» Et sans vouloir entendre leur réponse, il les fit jeter dans les fers. Il leva son camp le même jour et vint l'asseoir au pied d'une montagne à 6000 pas de César. Le lendemain, il fit marcher ses troupes à la vue des Romains et campa à 2000 pas plus loin, afin d'intercepter les vivres qui venaient de la Sécanie et du pays des Éduens. Pendant les 5 jours suivants, César fit avancer ses troupes rangées en bataille à la tête du camp pour laisser aux ennemis toute liberté d'engager le combat. Mais Ariovist, durant tout ce temps, tint ses troupes renfermées et se borna chaque jour à des escarmouches de cavalerie, genre de combat assez familier aux Germains. 6000 cavaliers choisissaient un pareil nombre de fantassins parmi les plus agiles et les plus courageux. Chacun de ces derniers veillait sur un cavalier et le suivait dans les combats. La cavalerie se repliait sur eux. Si elle était en danger, les fantassins accouraient. Si un cavalier blessé tombait de cheval, ils l'environnaient. S'il fallait s'avancer rapidement ou faire une retraite précipitée, l'exercice les avait rendus si agiles qu'en se tenant à la crinière des chevaux, ils les suivaient à la course. César, voyant qu'Ariovist se tenait renfermé dans son camp et lui coupait les vivres, choisit une position avantageuse à 600 pas environ des Germains et y dirigea son armée sur 3 lignes. Il en tint 2 sous les armes et employa la 3e au retranchement. Ce lieu était, comme nous l'avons dit, à 600 pas à peu près de l'ennemi. Ariovist détacha 16 000 hommes de troupes légères et toute sa cavalerie pour effrayer nos soldats et interrompre les travaux. César, fidèle à son plan, ordonna aux 2 premières lignes de combattre et à la 3e d'achever les ouvrages. Le retranchement achevé, César y laisse 2 légions avec une partie des auxiliaires et ramène les 4 autres à l'ancien camp. Le lendemain, selon son usage, il fit sortir ses troupes des 2 camps et s'étant avancé à quelque distance du sien, les rangea en bataille et offrit le combat. Comme l'ennemi ne faisait aucun mouvement, il les fit rentrer vers le milieu du jour. Alors seulement Ariovist envoya une partie des siens contre le nouveau camp. Le combat fut opiniâtre et dura jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Ariovist ramena ses troupes après une perte assez grande de part et d'autre. César, ayant demandé aux prisonniers pourquoi Ariovist refusait de livrer bataille, apprit que c'était une coutume chez les Germains d'attendre que les femmes eussent consulté le sort et interrogé l'avenir pour savoir si le moment de combattre était arrivé. Elles avaient déclaré que les Germains ne pouvaient être vainqueurs s'ils combattaient avant la nouvelle lune. Le jour suivant, César, après avoir laissé dans les 2 camps une garde suffisante, plaça, à la vue des ennemis, dans le nouveau camp, toutes les troupes auxiliaires. Comme le nombre des légionnaires était inférieur à celui des ennemis, il fit montre de ses alliés pour étaler ses forces. Il rangea ensuite l'armée sur 3 lignes et marcha au camp d'Ariovist. Les Germains, ne pouvant plus éviter le combat, sortirent enfin et se placèrent par ordre de nation à des intervalles égaux, Arude, Marcoman, Triboc, Bangion, Némette, Séducien, Suève. Pour s'interdire tout espoir de fuite, ils formèrent autour d'eux une barrière avec leurs chariots. Du haut de ces chars, les femmes, tout en pleurs, tendaient les bras vers leurs époux et les suppliaient de ne point les livrer en esclavage aux Romains. César mit à la tête de chaque légion un de ses lieutenants et un questeur pour que chacun eût des témoins de son courage, et il commença l'attaque par son aile droite, du côté où l'ennemi semblait être le plus faible. Au signal donné, nos troupes s'élancèrent avec tant d'impétuosité et de son côté l'ennemi courut si vite à leur rencontre qu'on n'eut pas le temps de lancer des javelots. On tira l'épée et l'on combattit de près. Les Germains, selon leur usage, se formèrent promptement en phalange pour soutenir le choc de nos armes. On vit alors plusieurs de nos soldats s'élancer sur cette voûte de boucliers que formait chaque phalange, les arracher et frapper l'ennemi découvert. Tandis que l'aile gauche de l'ennemi était rompue et mise en fuite, à la droite les nôtres étaient vivement pressés par le nombre. Le jeune Pécrassus, qui commandait la cavalerie et n'était pas si engagé dans la mêlée, s'en aperçut et envoya la 3e ligne pour soutenir nos soldats ébranlés. Alors le combat fut rétabli, les ennemis prirent tous la fuite et ne s'arrêtèrent qu'au Rhin, à 50 000 pas environ du champ de bataille. Quelques-uns, se fiant à leur force, essayèrent de passer le fleuve à la nage, ou se sauvèrent dans des barques trouvées sur la rive. De ce nombre fut Ariovist. Il trouva une nacelle attachée au rivage et s'échappa ainsi. Tous les autres furent taillis en pièces par la cavalerie qui les poursuivait. Ariovis avait deux femmes, l'une Suève, qui l'avait amenée de sa patrie, l'autre d'une Aurique et sœur du roi Vossion, qui la lui avait envoyée en Gaule, où il l'épousa. Toutes deux périrent dans la déroute. Elles avaient deux filles, l'une fut tuée et l'autre prise. Ces Valerius Procillus étaient entraînés par ses gardiens dans leur fuite, chargé d'une triple chaîne lorsqu'il tomba aux mains de César lui-même, qui poursuivait l'ennemi avec ses cavaliers. Ce fut pour César un plaisir égal à celui de la victoire que d'arracher aux mains de l'ennemi l'homme le plus honoré de la province, son ami et son hôte, sans qu'une perte aussi affligeante vînt altérer sa joie et son triomphe. Procillus lui apprit qu'il avait vu trois fois consulter le sort pour décider s'il serait brûlé sur le champ ou si l'on différerait son supplice, et que trois fois le hasard l'avait sauvé. M. Metius fut également retrouvé et ramené à César. Lorsqu'on eut appris cette victoire au-delà du Rhin, les Suèves, qui étaient déjà arrivés sur les bords du fleuve, retournèrent vers leur pays. Les Ubiens, voisins de cette rive, profitant de leur épouvante, les poursuivirent et en tuèrent un grand nombre. César, ayant ainsi terminé deux grandes guerres en une seule campagne, mit l'armée en quartiers divers chez les Sécanais, un peu plus tôt que la saison ne l'exigeait. Il en confia le commandement à Labienus et alla dans la Gaule citérieure tenir les assemblées. Ainsi s'achèvent ces extraits des commentaires de la guerre des Gaules par Jules César.